faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi nous nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous nous sommes battus contre le fascisme. À liberté. À liberté. Nous nous sommes battus. À liberté. À liberté. La vue des croix gamins me déprime. Liberté, liberté. Qu'as-tu fait? Être un homme libre